إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي الكرام, on continue donc inshallah ta'ala وبعون الله عز وجل ces cours qui portent donc sur la méditation de la parole d'Allah Azzawajal, wa azwajuhu ummahatuhum, et ses femmes sont leurs mères, d'après cette risala écrite par Cheikh Abdel Razak Al-Badr, hafidhahullah ta'ala. On s'était arrêté à la sixième question, et qui est la suivante. Si l'on dit que les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont les mères des croyants, alors est-ce qu'on peut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un père pour eux? Est-ce qu'on peut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un père pour eux? Il nous dit le shir, وَهَذِي مَسْأَلَةٌ مُهِمَّةٌ تَكَلَّمَ عَلَيْهَا أَهْلُ الْعِلْمِ عِنْدَ تَفْسِيرِهِمْ لِهَذِي الْآيَةِ. Il nous dit le shir que c'est une question qui est importante et que les gens de science, ils ont parlé à son propos lorsqu'ils ont expliqué le verset qu'on est en train de traiter. Il nous dit le shir en rappelant la parole de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah. فَإِنَّ نِسَاءَهُ إِنَّمَا كُنَّا أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ تَبِعًا لَهُمْ. C'est-à-dire que les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles sont devenues les mères des croyants en conséquent, en résultat de leur mariage avec lui sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici on voit bien que c'est une conséquence. Cette conséquence, elle revient au mariage qu'elles ont eu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَلَوْلَا أَنَّهُ كَالْأَبْ لَمْ يَكُنْ نِسَاؤُهُ كَالْأُمَّهَاتِ. Et donc, si il n'est pas considéré comme un père, alors leur femme ne serait pas considérée comme leur mère, c'est-à-dire la mère des, les mères des croyantes. Ça, c'est la parole de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Et on va voir que les savants, ils ont divergé sur cette question. Certains ont dit que l'on n'a pas le droit de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un père pour nous. Mais on doit dire, il est comme un père. Et d'autres savants ont dit, on peut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un père pour nous. On peut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un père pour nous. Il va donc rappeler ici certains points, le shir, de cette question-là. Il nous dit, فَالنَّبِيُّ sallallahu alayhi wa sallam أَبُنْ لِلْمُؤْمِنِينَ أُبُوَّةً دِينِيَّةً بِمَعْنَا أَنَّهُ يُرَبِّيهِمْ وَيُرْشِدُهُمْ ويدلهم على الخير وعلى عبادة الله وطاعته والاستقامة على دينه. Il nous dit donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un père pour les croyants, mais cette paternité, elle est considérée comme religieuse, c'est-à-dire à caractère religieux, dans le sens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a éduqué les croyants, il leur a indiqué le bien, il les a guidés, il leur a indiqué l'adoration d'Allah Azzawajal, sa soumission à lui, son obéissance et la droiture que l'on doit avoir dans la religion. Et dans ce sens, tous les envoyés dans ce sens sont des pères pour leur communauté. وَلِهَذَا نُقِلْ عَنْ Mujahid qui fait bien entendu partie des grands mufassirin parmi les salafs du Coran. Il était rapporté de lui qu'il a dit Kullu nabiyyin abun li ummatihi, c'est-à-dire chaque envoyé est un père pour sa communauté. Li'annahum nasahu li umamihim wa arshaduhum ila al-khayr wa nahuhum 'an ash-shar, car ils ont conseillé, ils ont été donc les meilleurs conseillers pour leur communauté et ils les ont guidés sur la droiture, sur le bien, et ils les ont écartés de tout ce qui était du mal. Et le shir, pour argumenter sur cette question-là, donc pour dire qu'on a le droit de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un père pour nous, il va rapporter ce hadith Hadith Abi Huraira radiallahu ta'ala anhu, qui est un hadith rapporté par l'imam Ahmed dans son Musnad, ou Abu Daoud dans ses Sunan, également An-Nasa'i ou Ibn Majah, et c'est un hadith dont l'imam Al-Albani a jugé qu'il était hasan, qu'il était bon, valable, acceptable, comme dans Sahih Al-Jami', où le prophète sallallahu alayhi wa sallam yaqul innama ana lakum bimanzilatil walid u'allimukum. Innama ana lakum bimanzilatil walid u'allimukum. Je suis donc pour vous comme un père. Bimanzilatil walid, c'est-à-dire au rang de père. U'allimukum. Je vous enseigne. Je vous enseigne. Et nous dit le shir, فهذا الحديث فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أب للمؤمنين على المعنى الذي ذكر في الحديث وهو بالنظر إلى ما يقوم به صلى الله عليه وسلم لهم من النصح وبيان وإرشاد. Donc il nous dit dans ce sens, par rapport à ce qu'on a cité auparavant, on dit que le prophète صلى الله عليه وسلم est un père pour les croyants. Bien entendu dans le sens où il a conseillé sa communauté, il a mis en évidence tout le bien qu'il devait suivre, et il les a guidés. Donc cela, c'est bel et bien une preuve pour dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est considéré comme un père, et qu'il est un père donc pour sa communauté. Il nous a rappelé également la parole de Cheikh Abdelrahman ibn Sa'di, rahimahullah ta'ala, yaqul, wa huwa sallallahu alayhi wa sallam abun lil mu'minin. كما في قراءة بعض الصحابة يربيهم كما يربي الوالد أولاده. Et donc le shir nous dit, وعلى هذا فلا مانع من وصفه صلى الله عليه وسلم بأنه أب للمؤمنين على المعنى الذي سبق بيانه. Donc il n'y a pas de mal à dire et à décrire le prophète comme étant le père des croyants. Et en rappelant donc la divergence dont vous a fait part un peu avant, il nous dit le shir, وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز أن يسمى النبي صلى الله عليه وسلم أبا للمؤمنين محتجين على ذلك بقوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Qui est donc le verset 40 de sourate Al-Ahzab. Il nous dit donc que certains parmi les gens de science, ils ont dit qu'il n'était pas permis d'appeler le prophète صلى الله عليه وسلم comme étant le père des croyants. Ils ont pris preuve, ils se sont appuyés sur ce verset du Coran qu'on a cité, qui est le suivant. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah est le dernier des prophètes. Et le dernier des prophètes. Qalu walakin yuqal mithlul ab lil mu'minin kama qala sallallahu alayhi wa sallam fil hadith al mutaqaddim. Ala kullin. Ils nous disent donc qu'on a uniquement le droit de dire qu'il est comme le père des croyants, on n'a pas le droit de dire qu'il est le père des croyants. Donc ici une nuance qui est faite. Et le shir donc, ensuite, il va expliquer par rapport à ce verset, et comment on va comprendre ce verset-là, à travers une parole qu'il prend du grand savant Muhammad al-Amin al-Shanqiti, rahimahullah ta'ala, sahib Abu al-Bayan, lorsqu'il est venu donc à ce verset du Coran et qu'il l'a donc expliqué, il nous rappelle ici. وَيَقُولُ وَيُفْهَمْ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى وَأَزْوَاجُ أُمَّهَاتُهُمْ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبٌ لَهُمْ. Donc en se basant sur leur verset, il dit, on comprend donc de ce verset, وَأَزْوَاجُ أُمَّهَاتُهُمْ, que le prophète Sam est un père pour eux. Ensuite, il a rapporté une des versions qui est donnée par rapport à une récitation du Coran, mais qui est considérée, elle, comme shadda. Ensuite, il va dire, en nous rappelant un autre verset du Coran, et qui est le suivant, Wallah Azza wa Jal yaqul, Subhana, Azizun alayhi ma anittum, Harisun alaykum bil mu'minina raoufur rahim, qui est donc le verset du surat al-Tawbah, qui est le verset 128. Et donc il dit, à partir donc de ce verset, qui est plein de solitude pour vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants, on voit bien ici que ça rentre dans le sens de celui qui a le rang de père dans sa communauté. Et il nous dit walaysat al-ubuwa ubuwatun nasab, c'est-à-dire qu'on ne va pas comprendre ce qu'on a dit qu'il est le père, laysatal ubuwa ubuwatun nasab, ce n'est donc pas, il n'est pas notre père par filiation. Kama bayyana ta'ala biqawli ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Donc dans le verset qu'on a cité précédemment. Et c'est pour ça, donc à partir de la parole du shir, et ce qu'on a vu, que la réponse qui est plus que claire, al-jawab al-zahir, wa anna al-ubuwa al-muthbata diniya, wa al-ubuwa al-manfiya diniya. C'est-à-dire donc qu'il est considéré comme le père des croyants, cette ubuwa, et qui est donc attestée, elle a un caractère donc religieux. Par contre, al-ubuwatu al-manfiya, celle qui est reniée, comme on l'a vu dans le verset du Coran, وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ, c'est celle qui est donc due à la filiation, et celle qu'on appelle donc al-tiniya, comme on l'a vu pour ce qui était Amr al-Umuma. Et donc il nous dit le shir al-Khulasa, أَنَّ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَبُنِ الْمُؤْمِنِينَ أُبُوَّةٌ دِينِيَةٌ تَفُوقُ أُبُوَّةَ النَّسَبِ وتعلوها قدرا ومكانة وشأنا. ولهذا صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم, personne donc ne croira, حتى أكون أحب إليه من والده, jusqu'à que je sois plus aimé auprès de lui que son propre père, وولده, que son fils, والناس أجمعين, que tous les gens. Donc que l'on doit l'aimer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, encore plus que notre père. Donc, ce père qui est en réalité qadran wa makanatan wa sha'nan, c'est-à-dire par rang, par le degré, qui est bien plus haut que le véritable père. C'est-à-dire, lorsqu'on dit le véritable père, le père dû à la filiation. Ça c'est al-khulasa, ça c'est donc le résumé pour cette question-là. Ensuite, une autre question également qui vient sur ce sujet. Il nous dit le shir, est-ce que les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont les mères des croyants, ou est-ce qu'elles sont les mères des croyants et des croyantes également? Il va nous rappeler qu'il y a deux paroles des savants, c'est-à-dire deux avis sur cette question-là. Le premier avis est ceux qui ont dit que les mères des croyants sont uniquement les mères des hommes, c'est-à-dire des croyants uniquement, pas des croyantes. Et ils prennent comme preuve une parole de Umm al-Mu'minin, Aisha, radiallahu ta'ala anha, anna mra'atan qalat la ya ummi, fa qalat, ana ummi rijalikum, wa lastu ummi nisaikum. Wa dhal athar rawahu ibn Sa'd fi al-Tabaqat wal-Bihaqi fi al-Sunan. Wa qala ibn Kathir fi tafsirihi sahha an Aisha. Donc ce athar de Umm al-Mu'minin Aisha, où une femme est venue la voir et lui a dit oh ma mère, ya ummi. Elle a répliqué à Aisha, je suis la mère de vos hommes et je ne suis pas la mère de vos femmes. Le deuxième avis est ceux qui ont dit elles sont non seulement les mères des croyants mais également les mères des croyantes. Et ils prennent comme preuve un athar également de Umm Salama أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت أنا أم الرجال منكم أنا أم الرجال منكم والنساء, c'est-à-dire je suis la mère de vos hommes parmi vous et de vos femmes. C'est un affaire qui est rapporté également par Ibn Sa'd fi al-Tabaqat. Ça c'est les deux avis. Et le shir va nous dire qu'il est possible de réunir ces deux paroles, c'est-à-dire la parole de Aïcha et la parole de Umm Salama, et d'en comprendre et d'en tirer ce qui a vraiment été voulu par ce qu'elles ont dit, al-maqsoud. Et il nous dit ala annahu yumkin al-jam' bayna al-marwi 'an Aisha radiyallahu 'anha wal-marwi 'an Umm Salama radiyallahu 'anha bi an yuqal idha kana al-maqsoud bil-umuma tahrim nikahihinna min ba'dihi sallallahu alayhi wa sallam وتحريم النظر إليهن والخلوة بهن فلا يخفى أن هذا الأمر خاص بالرجال دون النساء. Donc si on veut, par le fait qu'elles sont considérées comme les mères, qu'il est interdit de se marier avec elles, qu'il est interdit de les regarder, qu'il est interdit de rester seul, de s'isoler avec elles, alors il ne fait de doute que dans ce sens-là, c'est ce qui est uniquement propre aux hommes, sans les femmes. Car les femmes, bien entendu, elles ont, de leur vivant, elles ont le droit de rester avec elles, d'être isolées avec elles, de les regarder, etc., de leur parler directement, contrairement donc aux hommes. Donc, c'est ce qu'a voulu Aïcha de par sa parole. C'est ce qu'elle a voulu Aïcha de par sa parole. Par contre, وَإِنْ كَانَ الْمَقْصُودُ بِالْأُمُومَةِ التَّوْقِيرُ وَالْإِحْتِرَامُ وَالْقِيَامِ بِالْحُقُوقِ وَالْوَاجِبَاتِ وَالْقِيَامُ بِالْحُقُوقِ وَالْوَاجِبَاتِ وَنَحْوَ ذَلِكَ فَهَذَا شَامِلٌ لِلنِّسَاءِ وَالرِّجَالِ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. Par contre donc, si ce qui est voulu par le fait d'être mère, c'est-à-dire être التوقير, le fait de les respecter, de leur donner un grand respect, d'accomplir ce qui est obligatoire envers elles, etc., alors cela Yashmel, c'est-à-dire cela va comprendre non seulement les hommes et les femmes. Et c'est ce qu'a voulu par cela Umm Salama. Donc, si on najmar, si on rassemble les deux paroles de Aïcha et de Umm Salama, et si on en comprend le sens, alors tout simplement il n'y a pas la ta'arub. Il n'y a pas donc de contradiction, d'opposition entre ces deux paroles. L'une a voulu ce qu'on a cité en premier, et l'autre a voulu ce qu'on a cité en deuxième. Également, encore une autre question qui va se poser, toujours en relation avec ce wasf, c'est-à-dire en relation avec cette qualité ou cette appellation. Hadith tasmiya, azwajun nabi sallam, ummahat al-mu'minin. Est-ce que les frères des femmes du prophète sallam sont considérés comme les oncles maternels des croyants? Et est-ce qu'on va dire que leurs filles, c'est-à-dire donc les filles des femmes des croyantes, sont considérées comme les sœurs des croyants? Il va nous rappeler le shir que sur cette question, les savants également ont divergé. Ceux qui ont dit « al-man'u min al-itlaq », c'est-à-dire ceux qui ont dit qu'il était interdit de dire et de prononcer cette parole-là, ou de donner cette appellation, c'est-à-dire de dire que les frères des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont considérés comme les oncles maternels des croyants. Ça, c'est pour le premier avis. Le deuxième avis, jawazu itlaq idhalika, c'est-à-dire la permission de dire cela. C'est pour ça que Cheikh al-Islam, il nous rappelle, wa min ulama is-sunnah man qala la yutlaqu ala ikhwat al-azwaj annahum akhwalul mu'minin. فإنه لو أطلق ذلك لأطلق على إخوات على أخواتهن أنهن خالات المؤمنين ولو كانوا أخوالا وخالات لحرم على المؤمنين أن يتزوج أحدهم خالته وحرم على المرأة أن تتزوج خالها وقد ثبت بالنص والإجماع أنه يجوز للمؤمنين والمؤمنات أن يتزوجوا أخواتهن وإخواتهن كما تزوج العباس أم الفضل أخت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين وولد له منها عبد الله والفضل وغيرهما وكما تزوج عبد الله بن عمرو وعبيد أو عبد الله بن عمر وعبيد الله ومعاوية وعبد الرحمن بن أبي بكر ومحمد بن أبي بكر من تزوجاهن من المؤمنات ولو كانوا أخوالا لهن لما جاز للمرأة أن تتزوج خالها. على كل حال, ce qu'il rapporte ici le shir, c'est que certains ont dit qu'il n'était pas permis de les appeler ainsi. Et si on les aurait appelés ainsi, il aurait été interdit donc que les croyants deviennent leur époux. Comme par exemple le fait qu'il va épouser la sœur d'une femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou alors qu'il va épouser une fille de la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou alors celles qui sont venues après, etc. Et donc il nous a donné toutes les preuves, ici le shir. Ça, c'est pour ceux qui ont dit que c'était pas permis. Pour ceux qui ont dit que c'était permis, wa kama qala aw wa kama yaqul Ibn Kathir min bab itlaq al-ibara la ithbat al-hukm. C'est-à-dire que ceux qui ont dit que c'était permis de les appeler ainsi, ils ont dit que ça rentre ici dans l'utilisation de l'appellation au sens relatif, sans l'application des lois qui en découlent, c'est-à-dire qui découlent de cette application. من باب إطلاق العبارة لا إثبات الحكم. C'est-à-dire qu'on ne veut pas, lorsqu'on les appelle ainsi, on ne veut pas leur appliquer les lois qui en découleraient s'ils auraient été réellement considérés comme étant les oncles maternels des croyants, ou alors les sœurs des croyants, etc. Mais il va nous dire c'est simplement l'utilisation de l'appellation au sens relatif. Et donc, qui va dans le même sens pour ce qui est des mères des croyantes. Et le sens, comme on l'a vu précédemment, c'est-à-dire qu'on doit leur donner un grand respect, etc. Il va de même pour ce qui est de cela. Et c'est pour ça que Al-Qadi Abu Ya'la, rahimahullah ta'ala, il a écrit un livre concernant la défense de Muawiyah, radiallahu ta'ala anhu, et du fait qu'il a mis en évidence également l'innocence ou son innocence de toute injustice ou de toute perversité. Et il a appelé ce livre Tanzi ou Khalil Mu'minin Muawiyah ibn Abi Sufyan min al-Dhulm wal-Fisq fi mutalabatihi bidammi Amir al-Mu'minin Uthman radiallahu anhuma. Et il va dire, il va rapporter des preuves qu'on a le droit de dire pour ce qui est donc des frères, des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'appellation qu'ils sont les oncles maternels des croyants. Yani al-Akhwal, al-Akhwal, qui est le pluriel al-Akhwal, qui est le pluriel de Khal, ou al-Khal, qui est bien entendu l'oncle maternel. À titre de rappel, l'oncle paternel, on dit al-Am, on dit al-Am, et l'oncle maternel, on dit al-Khal, et son pluriel c'est Akhwal. Il va nous rapporter certaines paroles de l'imam Ahmed qui a envoyé la permission, et il va nous rapporter une preuve pour ce qui est de cela, ce qui était rapporté par Ibn Battah dans une de ses risalas. Il rapporte ce athar de Muhammad ibn Qahtaba Dimashqi. قال جيت إلى معاوية بن أبي سفيان فقلت يا أبا عبد الرحمن قد جاء الحسن بن علي بن أبي طالب زائرا فدعوا يصعد المنبر. Donc Muhammad ici ibn Qahtaba ou Qahtaba al-Dimashqi, c'est lui qui rapporte donc ce affar. Il dit, il rapporte qu'il est venu voir Muawiyah ibn Abi Sufyan radiyallahu ta'ala anhu, et qu'il lui a dit ya Aba Abdurrahman, il y a donc al-Hassan ibn Ali, donc al-Hassan le fils de Ali ibn Abi Talib, le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est venu te voir, ou qui est venu en tant que visiteur. Fada'u yas'ad al-minbar, fa laisse-le donc qu'il monte le minbar. Faqal, il dit alors da'ni aftakhir ala ahli Sham, laisse-moi donc c'est ici Muawiyah qui parle et qui lui a répondu, qui lui a dit alors laisse-moi donc aftakhir ala ahli Sham, laisse-moi que je me vante devant les gens du Sham. Faqultu sha'nuk wa iyyahu, c'est-à-dire donc ça c'est ton affaire entre lui et toi. Fasa'ad al-minbar hamidallah wa athna alayh. Donc Muawiyah, en présence de al-Hassan, c'est lui qui est monté sur le minbar. C'est Muawiyah qui est monté sur le minbar, et après avoir fait la louange à Allah azza wa jalla et avoir dit les éloges, il lui a dit, c'est-à-dire que Muawiyah s'est adressé à al-Hassan, il lui a dit sa'altuka billah ya Aba Muhammad alastu min batha Mekka. Donc il lui a demandé par Allah azza wa jalla, il lui a demandé oh Abu Muhammad alastu min batha Mekka, c'est-à-dire je ne suis pas donc de la Mecque. Faqala i wallahi alladhi la ilaha illahu. Faqala Allahumma ashhad. Donc il a répondu al-Hassan na'am, il a juré par Allah wallahi na'am, par Allah, celui qui n'a pas d'associé, celui dont il n'y a pas d'autre divinité méritant l'adoration si ce n'est lui. Alors Muawiyah il a dit Allahumma ashhad. Alors il a dit devant tout le monde ô mon Seigneur, témoigne donc de ce que vient dire al-Hassan. ثم قال سألتك بالله يا أبا محمد ألست خال المؤمنين قال إي والذي لا إله إلا هو قال اللهم أشهد. Il lui a demandé également ne suis-je pas donc l'oncle des croyants, ne suis-je pas l'oncle des croyants, ألست خال المؤمنين, et il a dit إي والذي لا إله إلا هو, c'est-à-dire qu'il a juré encore, il a affirmé et il a juré par Allah Azza wa Jal al-Hassan. Donc ça c'est une preuve que il est permis qu'on les appelle khal al-mu'minin, c'est-à-dire qu'on appelle donc les frères des femmes des croyantes akhwal al-mu'minin. Et c'est pour ça qu'il dira en conclusion le shir, wa ala kullin fal itlaqu sahihun ala wajh al-ihtiram at-tawqir la ala wajh ithbat al-hukm wallahu a'lam. C'est-à-dire donc que le fait de les appeler ainsi, cela est permis et authentique, bien entendu dans le sens du respect, dans le sens donc du respect qu'on leur donne à ces gens-là ou à ces hommes-là, radiyallahu ta'ala anhum. Ensuite, encore une autre question qui vient se poser. On sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de son vivant, il s'est marié avec des femmes, mais également il a eu des captives, ce qu'on appelle sarari. Il a eu des captives, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec qui il a eu des relations, et même avec l'une d'elles il a eu un enfant. Est-ce qu'on les appelle, ces femmes-là, Ummahat al-Mu'minin? Est-ce qu'on les appelle Ummahat al-Mu'minin? Est-ce qu'on les appelle donc les mères des croyants? Il va nous rappeler ce qu'a cité Ibn al-Qayyim, rahimahullah, fi Zad al-Ma'ad, an Abi Ubaida, annahu qal. Donc d'après Abu Ubaida, qu'il va dire, kana lahu arba'a. Il a eu donc quatre captives, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maria, wa hiya waladi Ibrahim. Maria, qui était donc l'une des captives du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dont il a eu avec elle un enfant, et qui est donc Ibrahim, qui est mort en bas âge, comme tout le monde le sait. Radiallahu ta'ala an. Également, il a eu Rayhana. Également, il a eu encore une autre captive. C'est-à-dire une autre captive qu'il a eue donc également. Et encore une autre, et encore une autre captive lui a été offerte par Zainab bint Jahsh. Donc quatre captives qu'il a eues le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc pour ces femmes-là, est-ce qu'on dit qu'elles sont considérées comme les mères des croyantes? Al-Jawab. La réponse, anna hadha khasun bi azwaj an-nabi sallallahu alayhi wa sallam kama huwa dhahir al-Qur'an wa lam yarid ma yadullu ala mashru'iyyati itlaqihi ala sarari an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bal thabata fi as-sahih anna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam lama istafa Safiyya bint Huyay qala as-sahaba in hajabaha fa hiya min ummahat al-mu'minin wa illa fa hiya mimma malakat yaminuhu. Il nous dit le shir que cela, cette appellation, c'est spéciale aux femmes du prophète, celles qui se sont mariées avec lui, et non donc aux captifs. Et il nous dit, la preuve en est le Coran et la Sunna. La preuve, c'est l'apparence du verset du Coran, donc l'argumentation apparente qu'on en tire du Coran. Azwaju ummahatun, donc azwajuna, azwaj, celle qui s'est mariée avec lui, sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est vrai au Coran. Et ensuite également dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car on sait lorsqu'il a choisi Safiyyatu bint Huyay, qui donc a fait partie des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il s'est marié avec elle. Au moment donc où il l'a choisi, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi Safiyya, qu'est-ce qu'ils ont dit les sahaba? Ils ont dit in hajabaha. C'est-à-dire s'il la cache des regards, donc si elle, à ce moment-là elle va porter ce qui va la cacher de tous les regards, alors elle sera à ce moment-là parmi les mères des croyants, car elles l'auront donc épousée. Sinon, elle fera partie donc des femmes qui sont captives de celles qu'il possédera, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et après avoir rappelé ce hadith, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah nous dit, wa fil hadith dalilun ala anna umumat al-mu'minin li azwaji dunna sarari wal qur'anu مما يدل الا على ذلك لانه قال ازواج امهاتهم. Et donc Cheikh al-Islam il nous rappelle d'après ce hadith que c'est bel et bien une preuve que uniquement celles qui sont mariées avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam sont celles qui ont cette appellation ummahat al-mu'minin, sans les autres, sans celles qui sont donc considérées comme les captives. Et enfin, pour finir et avant de rentrer dans la biographie des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la dernière question que le shir ici il va nous poser, pour ce qui est de cette question-là et de cette appellation-là, Ummahat al-Mu'minin, ils nous disent que les femmes, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a établi un contrat avec elles, c'est-à-dire bien entendu un contrat de mariage, aqd, aqada alayhinna, mais dont il n'a eu aucun rapport avec elles. Est-ce qu'elles sont considérées comme Ummahat al-Mu'minin? Il va nous rapporter des exemples, 4 ou 5 femmes. Il nous dit le shir, لكن من خطبها صلى الله عليه وسلم ولم يتزوجها. C'est-à-dire donc, ce dont le prophète صلى الله عليه وسلم a demandé en mariage, mais qui ne s'est pas marié avec elle. Ou alors celle qui se sont proposées à lui. من وهبت نفسها له ولم يتزوجها. Et qui ne s'est pas marié lui, le prophète صلى الله عليه وسلم, avec elle. Est-ce qu'on va les considérer comme Ummahat al-Mu'minin ou pas? Il nous dit elles sont donc de 4 ou de 5. Il va nous rappeler comme la femme que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu se marier. Et lorsqu'elle est rentrée auprès de lui et qu'il s'est rapproché d'elle, fasta'adat minhu, elle a demandé la protection d'Allah azawajal de lui. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'avait déjà vu ça, il lui a dit de retourner dans sa famille. Et donc il ne s'est pas marié avec elle. De même, une des femmes également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait vu un défaut, bayadan, sur elle. Et donc, il n'a, après s'être marié avec elle, qu'il n'a pas eu de rapport et qu'il l'a donc divorcée. Est-ce qu'elle fait partie également, cette femme-là, des Ummahat al-Mu'minin? Ou alors également cette femme-là, qui est venue au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui a wahabat nafsaha, c'est-à-dire donc qui s'est proposé à lui pour le mariage sallallahu alayhi wa sallam, et dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a marié avec une autre personne en lui donnant comme mar suwar min al-Qur'an, c'est-à-dire des versets du Qur'an, comme tout cela est connu dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'elles sont considérées toutes ces femmes-là comme mahat al-mu'minin? Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi répond, il dit faman faraqaha fi hayatiha wa lam yadkhul biha لا يثبت لها أحكام زوجاته اللاتي دخل بهن ومات عنهن صلى الله عليه وسلم وعلى أزواجه وذريته وسلم تسليما. Il nous dit donc, par cette parole claire, que celle qu'il a délaissée le prophète صلى الله عليه وسلم durant sa vie, et dont il n'a pas eu de rapport avec elle, alors لا يثبت لها أحكام زوجاته, c'est-à-dire que les règles qui sont appliquées pour les femmes du prophète صلى الله عليه وسلم ne sont pas appliquées pour ces femmes-là. Donc, dans ce sens-là, qu'elles ne sont pas considérées comme ummahat al-mu'minin. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.